الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، on continue avec l'explication du verset 12 de sourate Luqman. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول جل جلاله في كتابه العزيز: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بحول الله عز وجل. Je pense qu'on pourra aller jusqu'ici ce soir, en tout cas du moins pas de façon complète, mais normalement on devrait traiter toutes les paroles d'Allah Azza wa Jal que je viens de citer. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Al-Karim, nous avons effectivement donné à Luqman, on a parlé de Luqman. Al-Hikmah, la sagesse, on a parlé de Al-Hikmah. An-Ishkur Lillah, c'est un ordre venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici à toute personne qui a été comblée d'un bienfait. Il doit obligatoirement être reconnaissant, Al-Shukr, reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. An-Ishkur Lillah. Et on a parlé de la reconnaissance. Et on avait dit ici que le prophète alayhi salatu wasalam avait dit dans un hadith: alladhi hassanahu al-albani man lam yashkur innas lam yashkur illahi azza wa jal. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense, si mes souvenirs sont bons, on s'était arrêté avec ces paroles là et on a parlé amplement ici de la reconnaissance en islam. Et on avait dit que tout bienfait qui touche l'être humain, ici l'être humain se doit d'être reconnaissant envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. D'accord? En guise de gratitude envers Allah Azza wa Jalla, il doit être reconnaissant. Et on avait dit qu'al-shukr, ici, il était avec le cœur, bil-qalb, wa bil-lisan, avec la langue. Wa amma bi-ni'mati rabbika fa-haddith. D'accord? Avec la langue et aussi bil-jawarihi wal-arkan, avec les membres. On avait donné des exemples. Par exemple, une personne, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné de l'argent. Halal, licite, al-mal. Ici, il doit être reconnaissant avec son cœur. D'accord? Dans son fort intérieur, il est satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et il remercie Allah Azza wa Jalla dans son fort intérieur pour cet argent. Et il reconnaît que hadha al-mal min 'indillah Azza wa Jalla, لأن الله هو الرزاق وهو الغني وهو الحميد سبحانه وتعالى. Il reconnaît que cet argent ne vient pas de lui-même mais vient d'Allah Azza wa Jalla. فباللسان, avec la langue, alhamdulillah, quand on lui dit tu as eu cet argent, il dit hadha min 'indillah Azza wa Jalla, ولا يتكبر, et il ne sauve pas d'orgueil en disant ça vient de moi, c'est par mes mains que j'ai eu cet argent et ce n'est pas Allah qui me l'a donné, wal a'yadu billah, comme a réagi Qarun. Na'am, walakin il réagit avec tawadu, avec modestie, humilité envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala et reconnaissance envers Allah azza wa jal. Wa bil jawarih wal arkan, avec les membres, il utilise ici cet argent, d'accord, dans les œuvres de bien, il le dépense, il le sort de sa poche, il le donne dans des œuvres caritatives, il le donne pour la construction des mosquées, et il n'agit pas avec avarice wal iyad billah, walakin il utilise cet argent dans les œuvres de bien. Donc il est reconnaissant à travers ici ce bienfait d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et on avait parlé de shukr, d'accord, longuement, et on était arrêté avec le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yashkur, d'accord, il dit, et celui qui est reconnaissant, Allah Azza wa Jal, il rappelle, il dit فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Donc Allah Azza wa Jalla il dit, خلاص, tu dois être obligatoirement reconnaissant. On en a parlé de la reconnaissance. Mais il dit, mais celui qui est reconnaissant, en réalité n'est reconnaissant que pour lui-même. Allah il te rappelle, il t'ordonne d'être reconnaissant, mais il te dit, je n'ai besoin ni de toi ni de ta reconnaissance. Allah se suffit à lui-même. Allah Azza wa Jalla, le fait d'être reconnaissant envers lui, ça ne lui profite en rien. Et d'être ingrat envers lui, ça ne lui profite en rien. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَلَكِنْ, il te rappelle, je te l'ordonne, خلاص, وَلَكِنْ, je n'ai pas besoin de ta reconnaissance comme je n'ai pas besoin de toi. Car Allah se suffit à lui-même. Comme celui qui est ingrat, il ne nuira en rien du tout envers Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wassalam nous le rappelle quand il dit dans le hadith selon Abu Dhar rapporté par Muslim, Allah Azza wa Jal a dit, hadith Qudusi, le prophète alayhi salatu wassalam il dit, Allah Azza wa Jal a dit, hadith très connu, Ya ibadi, ô mes serviteurs, Allah il s'adresse à moi, à toi, aux serviteurs, il dit, ô mes serviteurs, même si le premier et le dernier d'entre vous, les hommes et les djinns, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, Allah Azza wa Jalla dit, j'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. ولكن الله dit les hommes et les djinns aussi, le premier et le dernier, les hommes et les djinns étaient aussi pieux que le cœur du plus pieux des hommes parmi vous, cela n'ajouterait en rien ou rien à mon royaume. خلاص, Allah عز وجل dit ça rajoutera en rien, rien du tout à mon royaume. Allah عز وجل هو المالك, c'est lui le roi, c'est lui le souverain, il se suffit à lui-même. Et il dit, Allah عز وجل dans le hadith Qudsi, Ya ibadi, ô mes serviteurs, même si le premier et le dernier d'entre vous, les hommes et les djinns, étaient aussi pervers que le cœur du plus pervers des hommes parmi vous, cela ne diminuerait en rien en mon royaume. Ne diminuerait en rien mon royaume. Donc Allah Azza wa Jal, il te le rappelle à travers le verset coranique, وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. D'accord? Celui qui est reconnaissant n'est que pour lui-même ou n'est que pour lui-même. Et il le rappelle dans le hadith Qudsi. Allah, il te dit que tu sois pervers ou tu sois pieux, cela ne rajoute en rien ou ne rajoute rien et ne diminue rien concernant le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne nuiras jamais en ton Seigneur tabaraka wa ta'ala ou à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Comme tu ne profiteras jamais à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc quand tu adores Allah Azza wa Jal, c'est pour toi, ya Abdallah. C'est pour t'en tirer du feu, pour recevoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. En bref, tu as tout à gagner. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien à gagner avec toi. Tu as tout à gagner. Allah n'a rien à gagner avec toi. Et cela, faut le rappeler aux gens qui pensent malheureusement, quelquefois, surtout quand tu appelles à la religion de l'islam, tu vois des comportements de certaines personnes qui parlent, c'est-à-dire leur comportement parle, même s'ils ne parlent pas avec la langue. C'est comme s'ils disaient, oh, laisse-moi tranquille, oui, mais c'est dur, ouais, mais pourquoi tu viens toujours me voir? Bref, c'est comme s'ils disaient, oh, mais c'est une corvée. Ouais, mais pourquoi? Comme si tu le forçais. Il faut lui rappeler. Allah t'ordonne d'être reconnaissant, mais il dit Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Celui qui est reconnaissant, il ne l'est que pour lui-même. Allah n'a pas besoin de toi. Et ça, il faut rappeler cela aux gens. Car ça rappelle à l'insan qu'il est da'if, qu'il est faible, et que c'est lui qui a besoin d'Allah, al-Malik, al-Qawi, et que Allah n'a pas besoin de toi. Donc à ce moment-là, c'est lui qui va implorer le secours d'Allah Azza wa Jal, et il ne va pas être insouciant et tomber dans le ghafla wal-iyadhu billah. Toi, et moi, et nous, on a besoin d'Allah. C'est nous qui adorons Allah. C'est nous qui levons nos mains et qui disons « Ya Allah ». Et c'est Allah le riche, c'est Allah qui donne et ce n'est pas toi qui donne. Toi tu ne peux que recevoir de la part d'Allah, mais tu ne peux rien donner à Allah Azza wa Jal, ou plutôt rien rajouter quant au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, ya Abdallah. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Clair? وَلِذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ مَنْ اِهْتَدَ فَإِنَّمَا يَهْتَدِ لِنَفْسِهِ. Allah Azza wa Jal le rappelle encore une fois. Et il dit subhanahu wa ta'ala, quiconque prend le droit chemin, ne le prend que pour qui? Les nefs, c'est pour lui-même. Regardez Allah Azza wa Jal, il rappelle. Allah, il nous exhorte. Prenez le droit chemin, suivez la vérité, suivez le Coran, suivez la Sunna. Ad-du'at, ou ad-du'a. Ici, les prédicateurs, ils recommandent ce chemin aux gens. D'accord? Les imams, les gens de science, les walakin, il faut rappeler aux gens, comme Allah le rappelle. Ce n'est pas une corvée. Tu veux, tu ne veux pas, assume tes responsabilités. Allah n'a pas besoin de toi, mais toi tu as besoin de lui. Allah dit dans le Coran al-Karim, quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare, وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et nul ne portera le fardeau d'autrui. Khalas. Toi ce qui t'incombe c'est de transmettre. Et de rappeler les gens, ici, avec juste milieu et parole droite, ici que Allah Azza wa Jal, il t'ordonne, mais il n'a pas besoin de toi. Ce n'est pas comme si tu disais aux gens, Allah t'ordonne, Allah t'ordonne, Allah t'ordonne. Non, mais lui rappeler pour le remettre un peu à sa place, et pour que nous, on retrouve nos places. Et on s'enfle pas d'orgueil. Ou on ne réagit pas avec un comportement d'ingrat. Ou de supériorité, wal'iyadu billah. Allah n'a pas besoin de toi. Voilà qui tu dois le faire. Tu veux le faire, c'est pour toi. Tu ne veux pas, assume tes responsabilités. Allah Azza wa Jal se suffit à lui-même. An-ni'am, on avait parlé des bienfaits. D'accord? On a dit, il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et si tu n'es pas reconnaissant envers Allah Azza wa Jal à travers le cœur, al-lisan Et les membres, ici, cette ni'ma se transforme en une fitna. On avait dit, en une fitna. D'accord? Donc c'est pour ça que tout bienfait qu'Allah nous a donné, on doit être reconnaissant envers son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala concernant ce bienfait. D'accord? À travers le cœur, la langue et les membres, on l'a déjà expliqué. Sinon, cette ni'ma devient une fitna pour toi, donc quelque part un mal pour toi. Et ça nous rappelle, comme on l'a dit souvent, que toute notre vie est une épreuve. Toute notre vie est une épreuve, qu'on ait du mal ou du bien. Qu'on vit du mal, ou des situations plutôt dures, d'accord? Ou qu'on vive des situations bonnes, de joie, ça reste une épreuve. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Et on va vous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. D'accord? Et le serviteur, lorsqu'il est reconnaissant, le bénéfice de sa reconnaissance revient à lui-même. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلنَّفْسِ. D'accord? لِلنَّفْسِ. Allah, il n'a pas besoin de toi. Allah, il est nafsi, pour lui-même. Et le serviteur, lorsqu'il est reconnaissant, d'accord? Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il est reconnaissant. Le bénéfice de sa reconnaissance revient à lui-même dans ce monde et dans l'au-delà. Fi dunya wal akhirah. Fi dunya comment? On avait dit qu'Allah Azza wa Jalla dit wa idh ta'adhana rabbuka an, Allah Azza wa Jalla il a proclamé, si tu es reconnaissant envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, la in shakartum la azidannakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il va préserver ce bien. D'accord? Et Allah il la azidannakum. Tu es parmi ash-shakirin, les reconnaissants, non seulement ce bien, cet argent, cet enfant, cette femme vertueuse, ce bien, cette foi, cette religion, al-ilm, tout an-ni'am, les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla t'a dit, ici, la-azidannakum. Pourquoi tu as fait quoi? Ash-shukr, tu as été reconnaissant. Allah va te garder. Donc regardez les bénéfices. Fi dunya, Allah va te préserver ce bien et va t'en rajouter. D'accord? Fi dunya. Wa fil akhirah, man aasha ala shay'in, mata alayh. Wa man mata ala shay'in bu'itha alayh. Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait ou parce que tu as été reconnaissant concernant ces bienfaits, inshallah ta'ala, il t'octroiera une bonne fin et tu ressusciteras auprès d'Allah Azza wa Jal sur cette bonne action, inshallah ta'ala. Et ici, ça, comme on dit les gens de science, c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jal, il te gratifie ou tu bénéficies de shukr ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, وَمَنْ كَفَرْ. Ah, وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ. خلاص, Allah, il a pas besoin de toi. وَمَنْ كَفَرْ. Par contre, celui qui est, وَمَنْ كَفَرْ, c'est-à-dire, ingrat. D'accord? Ça, c'est l'inverse. C'est l'opposé de shukr. D'accord? وَمَنْ كَفَرْ. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et il dit, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. الْغَنِي مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. حَمِيدٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Allah عز وجل te rappelle encore. Si tu es reconnaissant, c'est pour toi. Allah, il n'a pas besoin de toi. وَمَنْ كَفَرْ. Celui qui est ingrat, Allah عز وجل, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, c'est lui, الْغَنِي. En vérité, Allah, il te rappelle qu'il n'a pas besoin de toi parce qu'il est ghani. D'accord? C'est-à-dire qu'il est, il se dispense de tous ses serviteurs. C'est le riche. C'est lui qui donne. C'est le pourvoyeur. Allah, c'est le riche. فَهُوَ الْغَنِي. D'accord? Donc, c'est à lui que tu dois demander. Et ton risque dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, il te rappelle. خلاص, tu es ingrat. Allah, il n'a pas besoin de toi. Tout ce que tu as, c'est Allah qui te l'a donné. وَلِمَلَا وَيَقُولُ جَلَّ وَعَلَا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. Allah, il te le rappelle. Il n'a pas dit fil ard, ou ala l'ard. Il dit وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. Et dans les cieux est votre subsistance, risque. Pourtant, on sait que quoi? Quand on prend des fruits, des légumes, et quand on travaille, et les entreprises, et les usines, ils sont où? Dans les cieux ou sur la terre? Sur la terre. وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ يَقُولُ جَلَّ وَعَلَى وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ حَتَّى لَا يَنْسَى الْإِنسَانُ الضَّعِيفُ كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا أَنَّ الْأَسْبَابَ لَا تَمْنَعُ وَلَا تَنْفَعُ إِلَّا بِمُسَبِّبِ الْأَسْبَابِ. الله عز وجل الغني الحميد. Pour que la personne n'oublie jamais, Allah, c'est pour ça qu'il dit وَفِي السَّمَاءِ, regarde en haut, même quand tu cours dans le dunya, tu regardes à droite, à gauche, devant, derrière, وَلَكِنْ tout le risque. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, pour que tu n'oublies pas que les causes ne profitent en rien et n'apportent aucun bénéfice et ne peuvent retenir aucun bien et n'apporter aucun mal sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est au-dessus des sept cieux. الَّذِي اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, celui qui est établi sur son trône, Allah subhanahu wa ta'ala. هو الغني, c'est Allah عز وجل qui donne. C'est Allah عز وجل qui donne la subsistance. Et pourquoi pas? Est-ce que c'est nous qui nous occupons de donner la subsistance aux oiseaux? Aux mers, dans les mers, ce qui est dans les mers plutôt, c'est-à-dire tous les animaux aquatiques, les poissons, etc. Les fourmis, les bêtes, les cafards, les insectes, c'est toi qui t'occupes d'eux ou pas? Va prendre, comme je donne souvent, un exemple concret. Juste un aquarium chez toi. Juste un aquarium chez toi. Tu mets juste trois poissons. Pour ceux qui ont des aquariums ou ceux qui ont déjà vécu ça. Combien de temps il te faut pour t'occuper de l'aquarium? Et il suffit que pendant 3, 4, 5 jours, tu ne t'occupes pas de l'aquarium. En changeant les sortes de mousse qu'ils mettent, les choses comme ça. Tu vas voir l'odeur infecte que va dégager l'eau de cet aquarium. Même si tu as que 40 litres ou 50 litres ou 100 litres. C'est vrai ou pas? Allah Azza wa Jal, il te rappelle ici que c'est lui Al-Razzaq, Al-Ghani. Regarde les millions et les millions et les millions d'animaux aquatiques qu'il y a dans la mer. Est-ce que quelqu'un s'occupe de changer l'eau, ou de nettoyer l'eau, ou alors de filtrer l'eau? Est-ce que tu sens une mauvaise odeur quand tu t'approches de la mer? Subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala Al-Razzaq. C'est Allah Azza wa Jal qui s'occupe de donner la subsistance. C'est Allah Azza wa Jal, ayyuhal ikhwat wal akhawat, le riche par excellence. Et c'est Allah Azza wa Jal ici qu'on doit invoquer pour avoir notre subsistance. Et tu utilises les causes. Al-akhdhu bil asbab wajib. Utiliser les causes, c'est obligatoire. Et at-tawakkul ala Allah azza wa jal, ce qui fait partie de la confiance en, place sa confiance en Allah, c'est al-akhdhu bil asbab. C'est tout à fait compréhensible et naturel et logique. C'est le fait d'utiliser les causes. Walakin, tu utilises les causes et tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en ayant la certitude qu'Allah c'est lui Ar-Razzaq. Et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wasalam dit, si vous placiez votre, comme ja'a fi sahih, si vous placez votre confiance en Allah Azza wa Jal comme il se doit, Allah la razaqakumullah, Allah Azza wa Jal vous donnerait votre subsistance à risque, comme il donne la subsistance à qui? À l'oiseau. Il part le matin le ventre vide, et il revient le soir le ventre plein, rassasié. C'est qui lui a donné son risque? ولكن كما قال العلماء, il part le matin, donc ياخذ بالاسباب او قد اخذ بالاسباب, il a pris les causes, il a utilisé les causes. Donc toi aussi utilise les causes, pars de chez toi le matin, d'accord, خلاص, utilise ici les voies licites pour avoir ton argent, ton risque. ولكن place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui va mettre al-baraka, la bénédiction dans ton risque inshallah ta'ala, et celui qui va faire que ton risque va être préservé et ici va ne cesser de grandir inshallah ta'ala, si tu as été reconnaissant envers Allah azza wa jalla. وفي السماء رزقكم. Donc ça, c'est une question de aqida, ayyuhal ahibba. At-tawakkul ala Allah azza wa jal, c'est indispensable pour celui qui veut réussir ici-bas et dans l'au-delà. قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه, يعني يكفيه. Celui qui place sa confiance en Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit. Allah il dit ومن كفر, celui qui a été ingrat, فإن الله غنيون. Allah il est riche. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne la subsistance. Allah il te rappelle, khalas, il te cite deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te rappeler qu'il n'a pas besoin de toi. D'accord? Il appuie sur le fait qu'il n'a pas besoin de toi en citant deux de ces noms. Fa inna Allah ghaniyun hamid. Ah, hamid. C'est-à-dire le digne de louange. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on loue de jour comme de nuit, qu'on se doit de louer de jour comme de nuit pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Et on avait dit al-shukr, c'est aussi avec la langue, le fait de dire par exemple ala sabil al-mithal alhamdulillah bil lisan, hadha min al-shukr, ça fait partie de la reconnaissance envers Allah azza wa jal. Et c'est pour ça que c'est une sunna de dire alhamdulillah après avoir bu de l'eau. Naam, boire de l'eau c'est une ni'ma ou pas? C'est une des plus grandes ni'ma. Manger, après avoir mangé tu dis quoi? Ala al-aql alhamdulillah. Tu loues Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est une reconnaissance envers Allah Azza wa Jal ou pas? C'est une forme de reconnaissance, mais avec la langue. On a compris ou pas? Dans ton fort intérieur, tu te satisfais de ce que, à shukr, par exemple, à la sabil al-mithal, ici, par rapport à la nourriture, tu es satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Naam. Avec la langue, tu dis alhamdulillah. Et tu fais comme a fait Allah alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce qu'il faisait le prophète alayhi salatu wa salam quand il avait une nourriture qui lui plaisait pas? Il criait, pourquoi cette nourriture à l'achat de ta'am? Non, il laissait, il mangeait pas. D'accord? C'est une forme de reconnaissance. Et c'est le fait de ne pas être ingrat. Naam? Et avec les membres pour la nourriture, comment t'es reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla quand Allah il te donne la nourriture? Bil jawarih wal arkan. Comment? En donnant aux pauvres, les fuqara wal masakin, ou en invitant des gens chez toi. D'accord? Ça c'est ash-shukr. D'accord? Avec les membres. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Et ici c'est l'affirmation de la perfection de sa louange, Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal est le djinn de toutes les louanges pour la générosité et tous les bienfaits ici qu'il a donné à ses serviteurs. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, si on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout an-ni'am, les délices, les bienfaits qu'il nous avait donnés, on trouverait même plus le temps de se plaindre. Naam. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhu. D'accord? Donc on a parlé de Luqman. On a parlé de al-hikma. On a parlé de al-shukr. Et on a parlé la reconnaissance et on a parlé de l'ingratitude. Khalas. Ensuite, ici on laisse la parole, ici c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il rappelle qu'est-ce qu'a dit Luqman li banihi à son fils. Ah khalas, on rentre dans un hiwar. On rentre dans une conversation, dans une discussion entre Luqman et son fils. D'accord? On voit que Luqman s'adressait à son fils, discutait avec son fils, avait des conversations avec son fils. Il parlait avec son fils, Luqman, le sage, Al-Hakim. Na'am, qu'on a qu'au l'orage min ahli l'ilm, ce n'était pas un prophète, mais c'était un homme sage, Luqman Al-Hakim. D'accord? Et ça, c'est la majorité des gens de science qui l'ont dit. Ici, comment il parlait à son fils? De quelle manière? Et là, من فوائد هذه الآيات إن شاء الله تعالى فقه الدعوة. Parmi les bénéfices et les profits qu'on va prendre de ces versets coraniques, il y a ce qu'on appelle فقه الدعوة. D'accord? Comment transmettre la religion? الدعوة إلى الله عز وجل. Comment le faire? Ici, on va voir beaucoup de détails concernant ce sujet بإذن الله عز وجل à travers ces versets coraniques qui mériteraient des cours et des cours et des cours et des cours et des cours. Walakin, ala kulli hal, on va essayer d'abréger au maximum. Walakin, fawarabbil ka'ba, comme vous allez voir, inshallah ta'ala, de nombreux, pas bienfaits, mais de nombreux trésors qui sont attirés ici, comme l'ont fait al-ulama, ahlul ilm, ahlul dhikr, de ces versets coraniques. De nombreux trésors. Fawarabbil ka'ba qui vont te servir, bi'idnillah azawajal, tout au long de ta vie, si tu les comprends bien, tu les médites, at-tadabbur labud. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَلُهَا. Est-ce que continue à ne pas méditer le Coran al-Karim ou ont-ils des cadenas dans le cœur? التَدَبُّرَ أَيُوَ الْأَخْوَةُ وَالْأَخَوَاتِ. Ça c'était quelque chose d'essentiel pour pouvoir bien comprendre le Coran al-Karim et le mettre en application de la meilleure des façons. Celui qui a bien compris ça بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ Inch'Allah ta'ala, vous verrez qu'il prendra beaucoup de bénéfices. Le prédicateur sage. Quel est le prédicateur sage? Allah dit dans le Coran al-Karim, ud'u ila sabili rabbika, ud'u ila sabili rabbika bi bil hikmati wal maw'izati al hasana. Ah, il parle de l'hikma. Donc Allah Azza wa Jalla bayyana fi hadhihi al-aya kayfa yad'u al-insan. Comment il appelle, d'accord, à Allah Azza wa Jalla la personne. Ud'u ila sabili rabbika kayf bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. وقد بدأ جل جلاله بالحكمة. Et on est toujours dans الحكمة. Vous avez vu la sagesse, l'importance de la sagesse. صدق جل وعلا إذ يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم ارزقنا الحكمة. Allah dit dans le Coran al-Karim, il donne la sagesse à qui il veut. À qui il veut. Celui à qui il a été donné الحكمة, il lui a été certes donné une grâce, un bienfait énorme. Ce n'est pas donné à tout le monde. On a décrit déjà le hikmah plusieurs fois. Mais c'est essentiel. C'est, yani, essentiel pour pouvoir transmettre cette religion, d'accord? Ici, ala al-wajh alladhi yanbaghi, c'est obligatoire d'avoir le hikmah, la sagesse. Donc, Allah Azza wa Jalla, il parle de Luqman. Et il dit, on lui a donné le hikmah. Clair? Au début, on a vu ça. Luqman, c'est qui? Il lui a donné le hikmah. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous rappelle qu'on doit être. Donc, pour ce bienfait, si Allah t'a donné le hikmah, ou pour n'importe quel bienfait, anishkur lillah. Comme il a ordonné à Luqman, toi, c'est un ordre, on t'a donné un bienfait. Et parmi ces bienfaits, le hikmah, sois reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. On est d'accord. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'ingratitude, et il rappelle qu'Allah Azza wa Jal n'a ni besoin, yani, de toi, et toi tu ne profiteras en rien en Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu ne rajouteras rien dans le royaume d'Allah Azza wa Jal, et il rappelle que c'est pour toi. D'accord? Le fait d'être reconnaissant. Et si t'es ingrat, ça, ça va diminuer en rien dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien du tout dans le royaume d'Allah azza wa jal. Après, on a parlé de l'hikma. Allah azza wa jal, il montre ici comment Luqman a mis en application l'hikma. Khalas, on a défini l'hikma. Maintenant, regardez l'application. Maintenant, comment Luqman, il a agi avec hikma pour bien comprendre. Clair? Allah azza wa jal, il parle dans le Coran al-Karim de Luqman et il dit: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ مِنْ فِقْهِ الدَّعْوَةِ التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ. Ce qui fait partie de la bonne compréhension dans da'wa et des choses indispensables à savoir pour الدَّاعِي, d'accord, وَهَذَا أَمْرٌ هَذَا شَيْءٌ وَاجِبٌ على كل مسلم, c'est obligatoire d'être prédicateur pour tous les musulmans, pour tous les musulmans, selon chacun selon son degré, chacun selon son degré de science. Voilà, c'est obligatoire. Al-amru lil wujub wa qala jalla wa ala ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Hadi amr. Ça c'est obligatoire. Allah il a dit appelle les gens, c'est obligatoire. Chacun comme on le dit souvent son minbar. Toi dans ton travail, toi si tu es mécanicien, toi à la mosquée, toi quand tu es au centre commercial, toi quand tu vois un frère dans la rue, toi. Tout le monde est obligatoire. Ne dis pas, il y a des imams, il y a des al-ulama, il y a des du'as, il y a des prédicateurs. Khlas, ana, moi, je viens, je n'ai abadan. Tout le monde a cette responsabilité. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa bani Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Pourquoi ils ont été maudits, comme on l'a dit souvent? Parce qu'ils ont délaissé ad-da'watu ilallah azza wa jal. Un, il faisait un munkar, l'autre, il voyait le munkar, il disait rien. Wa qala rasulullah alayhi salatu wa salam, idha ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dhalika ad'afu al-iman. Hadith sahih. C'est pour ça que le prophète il l'a dit. Quand quelqu'un d'entre vous voit un munkar, une chose mauvaise, répréhensible, il l'arrête avec la main. Ça c'est un gouverneur envers son peuple, ou alors al-ab, le père envers les enfants. Fa in lam yastati' fa bi lisani, d'accord, avec ad-da'wa bil hikma wal maw'izati al hasana, avec la langue, c'est obligatoire. Fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika ad'afu al iman. Subhanallah, celui qui peut pas avec le lisan, regarde le prophète qui dit avec le qalb, yani tu vois un munkar, tu n'oses pas parler, tu pars. Wa idha khatabahum al jahiluna qalu salam, tu pars. وهذا على الأقل. Et si tu fais ça, ذلك أضعف الإيمان. Que dire de la personne qui il n'arrête pas le munkar, لا يغير المنكر, لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه والعياذ بالله. Où est sa foi? Où est son iman? Il n'arrête ni le munkar, ni avec sa main, ni avec sa langue, ni avec son cœur. Il reste avec la personne qui fait le haram, le ghiba, le namima, le qila, le qal, ou alors il écoute la musique, la musique, ou je ne sais quoi encore, il reste. Alors le prophète il dit, يعني حتى إذا الإنسان ينصرف il part, يعني يغير المنكر بقلبه ينصرف il part, il arrête le munkar avec son cœur, ذلك أضعف الإيمان. فما ظنك بمن يعني جلس مع هؤلاء الذين يفعلون المنكرات. Que dire avec ceux-là qui restent avec ceux qui font le munkarat, les choses répréhensibles, والعياذ بالله. Donc ici c'est une chose obligatoire, obligatoire. Mais comment? Il y a الأحكام, il y a des jugements, il y a des règles, il y a des conditions à suivre. Ce qu'on appelle fiqh al-da'wa, at-targhib wa at-tarhib. Ça fait partie de fiqh al-da'wa. C'est-à-dire quand tu exhortes une personne, quand tu exhortes une personne, comme il a fait Luqman, et on va le voir inshallah ta'ala tout au fil, yani, ou au fur et à mesure qu'on va traiter les paroles de Luqman al-Hakim avec son fils. De grandes morales à prendre. À chaque fois, il rentre dans at-targhib wa at-tarhib. C'est-à-dire ici, les recommandations, si on veut, et les avertissements. D'accord? Donc il lui rappelle ici, il l'incite à faire le bien, il lui rappelle que c'est bien de faire le bien, etc. Mais à côté, il lui rappelle aussi l'avertissement pour lui faire peur. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. C'est ainsi, on a fait de vous une religion de juste milieu. وَلِذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Dans le Coran al-Karim, à chaque fois, souvent Allah Azzawajal parle du paradis, il parle de l'enfer, al-Nar. Il parle de la récompense, al-Jaza, bil khayr, avec le bien, et il parle de la récompense avec le mal, d'accord, du châtiment. Donc toujours pourquoi? Hatta yakuna al-insan da'iman bayna al-khawf wal-raja, pour que la personne soit toujours entre la peur et l'espérance, d'accord. Il faut pas qu'il ait trop peur d'Allah azza wa jalla jusqu'à ce que il désespère de la miséricorde d'Allah. Wa qala jalla wa ala la taqnatu min rahmatillah, Ou bien, il faut pas qu'il soit trop confiant et il a plus peur d'Allah. Il va dire, khlas, moi, alhamdulillah, je suis sûr d'être au paradis, wal'ayadu billah. Et donc là, ici, il se sent trop à l'abri du châtiment, il va rentrer dans un excès. Non. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et ainsi, on a fait de vous une communauté de, ici, de juste milieu. وَلِذَا لُقْمَان الْحَكِيم, toujours quand il exhorte, بين الترغيب والترهيب, tout le temps. وهكذا الداعي الى الله عز وجل, il doit toujours, quand il parle à une personne, il lui parle, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Alhamdulillah, Allah il accepte le repentir, même si tu as fait le haram, tu es dans zina, توب الى الله من تاب تاب الله عليه, tu as fait le mal, ولكن t'arrête pas là ابدا, parce que ياخي, si tu ne repens pas, zina, tu sais c'est quoi le châtiment de zina, regarde qu'est-ce qu'il a dit, قال رسول الله عليه الصلاة والسلام, et il cite ce que le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit sur quoi, sur les fornicateurs, ouais, ici en enfer il y a ça, ولكن entre les deux, ne lui fais pas que peur, non, dis-lui alhamdulillah, باب التوبة مفتوح, la porte du repentir est ouverte, توب الى الله وجل جلاله يفرح بتوبتك يا عبد الله, il sera heureux ya Allah subhanahu wa ta'ala que tu te repentes, mais à côté attention, si tu restes dans l'égarement, regarde ce qui t'attend. Fahimtum, هذا من فقه الدعوة, ça c'est indispensable. D'accord? Toujours entre targhib wa tarhib. Na'am. Parmi les choses qui font partie de fiqh al-da'wa, ici, il faut parler avec les gens. D'accord? Mais, kama qala al-ulama, nunazzilu nasma nazila. On se met au niveau des gens. D'accord? Rawahu al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda, hadithu al-nas bima ya'rifun. Dans le Bukhari. Regardez, Ali, qu'est-ce qu'il dit? حدث الناس بما يعرفون. كما قال علي رضي الله عنه وارضاه, أتحبون أن يكذب الله ورسوله. Ici, Ali, il te rappelle que tu te dois de te mettre au niveau des gens. D'accord? Quelqu'un jahil, il est loin, ba'id min al-islam, ba'id min al-ibadat, il connaît rien. Est-ce que tu vas parler avec lui comme quelqu'un qui a 10 ans de religion? Tu vas pas parler avec lui. Ali l'a dit, حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله. Est-ce que vous voulez, d'accord, ici avec une traduction approximative, que l'on accuse ici Allah et son messager, d'accord, ici de mensonge. C'est-à-dire, si tu parles avec une personne, قال الله وقال الرسول, avec des choses qui vont le dépasser, Ali radiyallahu anhu warda dit atuhibbuna an yukadhdhab Allah wa rasuluhu, c'est pas qu'ils vont pas croire en Allah et au messager alayhi salatu wassalam, walakin, ce que tu leur as dit c'est dur à croire pour eux parce que leur foi elle est très très très basse, donc eux ils vont être amenés à dire, dû à leur mauvaise compréhension, leur ignorance et le fait que tu leur as parlé des choses qui sont trop dures à comprendre pour eux, vous dire, mais non, ça, y a pas ça dans l'islam. Voilà qu'ils ne disent pas, c'est Allah et le prophète, alayhi sallam, qui ont menti. Mais ils disent, non, non, non, non. Ça, y a pas ça. Alors qu'en fait, il y a ça. Alors qu'Allah l'a dit en vrai, le prophète a dit. Mais eux, à cause de toi, à cause de toi, na'am, fahimtum, à cause de toi, parce que tu as dit des choses qui, pour eux, ça les dépasse. Ils sont nouveaux dans la religion, tu vas leur dire des choses sur alam ou le raib, etc. Ça va les dépasser. Ils viennent de connaître l'islam. Donc il va dire, non, c'est pas possible qu'il y a ça dans l'islam. Atuhibbuna an yukadhdhab Allah wa rasuluh? Attention. Ici, c'est le prophète Ali, il nous rappelle, attention, sinon les gens ils vont dire, non, Allah et le prophète, c'est pas possible qu'ils ont dit ça. C'est pas, ils vont pas croire en Allah et le prophète, mais ils vont dire, non, à cause de toi, ce que t'as dit, ils vont dire, non, c'est pas possible, c'est lui qui a rapporté ça. Donc ils vont pas croire en ce que tu as dit, mais dans le fond, ils vont pas croire en ce que Allah et le prophète, alayhi salatu wassalam, ont dit. D'accord? وَلِذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, قَالَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَرْضَاهُ, حَدِّثُ النَّاسِ بِمَا يَعْرِفُونَ. Parlez aux gens avec ce qu'ils comprennent, ce qu'ils connaissent. Mets-toi à leur niveau. Et ça, c'est indispensable. Tu parles avec quelqu'un de 10 ans de religion, attends. قال الله قال الرسول, rends dans usul al-fiqh, rends dans mustalah al-hadith, rends dans, il n'y a pas de problème. Si tu vois qu'il a un niveau. Walakin, si tu parles avec quelqu'un, jahil, il est loin de la religion, est-ce que tu vas parler de la même chose? Pas pareil. Tu vas réagir avec une personne, quelquefois, avec un peu plus de dureté. D'accord? Dans tes paroles. C'est-à-dire, tu vas être plus sec. Quelqu'un, il a 15 ans de religion. D'accord, hadi 10 snin, il fait la prière, yusalli wa yuzakki wa dhahaba ila al-hajj, etc. Faqad waqa'a fi zina wal 'iyadu billah. Et il tombe dans zina. Est-ce que tu vas dire, c'est pas grave, mon frère. Masha'Allah, tu es bien, tu fais des efforts. Tu vas lui dire quoi? Tu vas être un peu plus dur. Ittaqillah ya akhi al-habib. Tub ila Allah, bab at-tawba maftouh, walakin ya 'abdallah, t'as 10 ans, t'as été al-hajj. T'as fait salat. C'est grave ce que tu as. C'est vrai ou pas? Tandis que la personne, d'abord, a dit rentre dans la religion. Il connaît rien. Hier, il était encore dans zina. Va doucement, lui. At-tadarruj. Fi da'wat ila Allah azza wa jal wajib. C'est obligatoire. Les étapes. D'accord? De pas brûler les étapes. Ça dépend, tu t'adaptes ici au niveau de la personne. Kama ja'a fi sahih. A'rabi, qad dakhala fi al-masjid, wa bala fi al-masjid. Hadith mashhour. Il est connu. C'est un bédouin qui est rentré dans la mosquée. Un bédouin est rentré dans la mosquée. Fi ahd al-nabi alayhi salatu wa salam. Vous le connaissez le hadith. Il a uriné dans la mosquée. As-sahaba, ils se sont levés. Le prophète alayhi salam, il a dit quoi? Laissez-le. Laissez-le finir. Pourquoi? Parce que le fait de l'arrêter, ça va lui poser un mal ou pas? Ça va lui causer un mal. D'accord? On sait très bien que, azzakumullah, quand quelqu'un il urine, elle baoule, si quelqu'un l'arrête d'un coup, ça peut lui causer un mal. Donc ici, idha lam yunkir, idha lam yumkin, izalatul munkar illa bima huwa ankar, fala nunkir. Hadhi qa'ida muhimma. Quand ici tu sais que tu peux pas enlever un mal que par quelque chose qui va causer un autre mal plus grand ou par quelque chose de mal encore, donc à ce moment-là t'arrêtes pas le mal. Walakin, tu le reportes à plus tard. Le prophète il a dit laissez-le. Ensuite le prophète alayhi salatu wasallam il l'a pris bil hikma wa bil lin, avec douceur, il lui a expliqué. Il lui a dit al masajid. Ici ils ont pas été fait ça pour faire ils ont pas été construits pour faire ça. Pour faire al-bawl, azzakumullah, uriner, c'est fait pour la lecture du Coran, qira'at al-Quran, etc. Walakin hadha kana jahil. C'est un ignorant. Naam? Est-ce que s'il était rentré dans la mosquée alors qu'il connaissait, walakin il voulait provoquer les musulmans? Est-ce que c'est le même hukm? C'est pas pareil. Ba'd al-nas, il voit des gens qui réagissent d'une certaine façon. Et ils vont dire, walakin la, ikhi, chouf, kana rasulullah alayhi salatu wassalam al-a'rabi, il a laissé uriner dans la mosquée, walakin anta huwa al-jahil, ya Abdallah. Toi, tu utilises un hadith, t'as pas d'ilm, toi. Ça, le prophète, il l'a fait pourquoi? Hadha kan min al-juhala, il était parmi les ignorants. Il connaissait rien. Arabi. Il est venu, il savait pas, c'était un bédouin à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Ici, al-arab, c'est pas l'arab. Al-arab, les bédouins, ils étaient loin de l'moudoun des villes. Ils connaissaient rien. Ils savaient même pas, ils voient une mosquée, ils voient le tarab, et ils boule par terre. C'est pareil. Je boule ici, ou là, azzakumullah, dehors, c'est pareil. Walakin, il l'a pas fait ici. Alors qu'il savait que c'était haram. Ah, là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Le hukm, il est pareil ou pas? Il est pas pareil. Donc, on réagit pas pareil ou de la même façon avec n'importe quelle personne ou avec toutes les personnes. On s'adapte, d'accord, au niveau des personnes. Nunazzilu an-nas manazilahum. Wa idha lam yumkin izalatul munkar illa bima huwa ankar, fala nunkir. Hadhihi al-qawa'id. Ici, c'est indispensable de les connaître pour pouvoir avancer dans ad-da'watu ila Allah azza wa jal. Naam. Ici, parmi ce qui fait partie de fiqh al-da'wa, il y a aussi le fait de connaître vraiment l'état des gens, leur niveau, on l'a dit. Mais vraiment bien dans les détails. C'est pour ça que le prophète alayhi sallam dans Sahih al-Bukhari wa Muslim fi as-sahihain lamma arsala Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu warda ila al-Yaman, quand il a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit tu vas rencontrer des gens de Ahlul Kitab. Ah. Pourquoi il lui a dit Ahlul Kitab? Tu vas rencontrer des gens de Ahlul Kitab. Pourquoi le prophète alayhi salam lui a dit dans les détails c'est Ahlul Kitab? Pour qu'ils connaissent leur état. Pour que Mu'adh connaisse. Ah, ici c'est Ahlul Kitab. Comme ça, ils s'adaptent à leur niveau. Nunazzilu an-nas manazilahum. At-tadarruj fi ad-da'wati ila Allah azza wa jalla. Comme fi as-sahihain, il lui a dit, ici tu vas rencontrer des gens de Ahlul Kitab. Donc, mets-toi à leur niveau. Wasil ma'i. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi as-sahihain. Ici Aisha radiyallahu ta'ala anha wa arda. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wa salam? Il a dit, ya Aïcha, si ton peuple n'était pas nouveau, n'était pas proche de la mécréance de l'Jahiliya, qu'est-ce qu'il aurait fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit, j'aurais détruit la Kaaba et j'aurais ordonné de la reconstruire avec deux portes. C'est vrai ou pas? Deux portes. Une pour entrer et une pour sortir. Walakin limadha ma fa'ala wa lam yaf'al dhalika alayhi salatu wassalam. Pourquoi il a pas fait ça? Parce qu'ils étaient proche du kofr, ils étaient nouveaux. Et il a dit, ici, il voulait éviter al-fitna. Il voulait éviter un grand mal. Donc il a dit, khlas. Pourtant ici, le prophète alayhi salam voulait le faire. Donc si le prophète alayhi salatu wassalam voulait le faire, c'était quelque chose de légiféré en islam. Donc ici, il voulait le faire et ça concerne al-Kaaba. C'est pas n'importe quel endroit. Il a délaissé ça, pourquoi? Ici, il savait que ça allait causer un mal. Ici, si on peut pas enlever un munkar que par quelque chose qui apportera un plus grand mal ou par un autre mal, alors à ce moment-là, on n'enlève pas le munkar, ici, ou la chose répréhensible. Et on reporte à plus tard. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, on en a encore une preuve. Il s'est adapté au niveau au niveau des gens. Et c'est ce que les musulmans doivent faire. Parmi ce qui fait partie de fiqh al-da'wa qui est indispensable et qui est beaucoup délaissé par des centaines et centaines et centaines de jeunes, al-shabab, al-shuyukh, al-kibar, al-nisa, al-rijal, les femmes, les personnes âgées. Beaucoup, beaucoup connaissent pas fiqh al-da'wa malheureusement et ça c'est essentiel pour éduquer ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs, tes proches. Pour pouvoir obéir à Allah Azza wa Jal quand Allah il t'ordonne de faire quoi? Al-da'watu ila Allah Azza wa Jal. Al-lin, la douceur dans da'watu ila Allah Azza wa Jal. Ah, à travers tes paroles. À travers tes paroles, il faut que tu sois doux. C'est-à-dire, quand tu donnes une nasiha, d'accord, قبل النصيحة, la budda min al-lin, d'accord, wal kalam al-tayyib, avec la bonne parole, avec la douceur, c'est obligé, à chaque fois. Al-dalilu ala dhalik, قال جل وعلا, wa idh qala luqman libenihi wa huwa ya'idhuh, qu'est-ce qu'il disait? Ya bunay. Analysez bien. Allah il dit dans le Coran al-Karim, quand Luqman ici exhortait son fils, son propre fils, comment il parlait? Comment il exhortait? Regardez les paroles. Et tout au long de Surat Luqman, quand vous voyez la conversation entre Luqman et son fils, regardez, à chaque fois avant que Luqman, il dise, et souvent avant qu'il lui donne une nasiha, une recommandation, une maw'idha, qu'est-ce qu'il dit? Ya bunay, la tushrik billah. Ensuite il fait quoi? Il explique. N'associe pas Allah Azza wa Jal. Et il lui explique pourquoi. Inna shirka la zulmun azim. Donc, ici, il faut d'abord la douceur. D'accord? Tu mets la pommade avant de faire le nasir. Après, tu exhortes. Après, quand tu as dit fais une chose ou fais pas une chose, tu expliques pourquoi cette chose elle est halal ou elle est haram. Vous croyez que ici, da'wah c'est en claquant des doigts que tu vas faire da'wah si t'apprends pas? Comment tu vas faire da'wah comme il se doit? Et ça, c'est des bagages qui te suivent toute ta vie, inshallah ta'ala. Ici, il dit, ya bunay. Et ça, c'est un terme qui montre l'affection entre le père et le fils. Regardez, le père, comment il exhorte son fils, à chaque fois, tout le temps, vous allez entendre, ya bunay, ya, oh mon fils. Imaginez-vous, maintenant, vous parlez à votre fils, comme ça. Oh mon fils, viens. Les gens vont rigoler. Ils vont dire, ah, viens ici, toi, viens. Ça, c'est halal ou c'est haram. Ici, regardez, ya bunay, à chaque fois. Comme s'il prenait son fils, ya bunay. La tushrik billah. Inna shirka la zulmun azim. Il lui explique. Ne fais pas ça, et lui donne l'explication. Et à chaque fois, il dit, ya bunay. Est-ce que ya bunay, c'est une parole douce? C'est une parole douce ou pas? C'est une parole douce. Oh mon fils. Donc ça c'est une preuve que dans fiqh al-da'wa, dans les principes que tu dois suivre et les règles que tu dois suivre quand tu fais al-da'wa tu l'Allah, que ce soit avec ton épouse, avec les gens, avec les frères, avec les enfants, tout le temps tu dois faire devancer la recommandation ou le conseil ou l'ordre ou l'interdit d'une parole douce. Ça c'est la règle générale. Viens mon frère. Wallahi t'es masha'Allah, t'as beaucoup de qualités. Walakin ce que tu fais, wallahi c'est haram. C'est pas pareil que tu dis, ah mon frère ce que tu fais c'est haram. C'est vrai ou pas? D'abord la parole douce, tu mets de la pommade comme je dis souvent, un peu de l'assel, un peu de miel. Après tu envoies. Ama, après s'il accepte ou il accepte pas, toi tu as tiré ta responsabilité. Et lui dire qu'il a fait une chose haram, c'est obligatoire. On l'a dit, le prophète alayhi salam l'a dit, quand quelqu'un voit un munkar, qu'il arrête avec la main. S'il peut pas avec la langue, s'il peut pas, quand quelqu'un voit un mal, il arrête avec le cœur. C'est-à-dire il se détourne de la personne ou du mal, et ceci est le degré le plus bas de la foi. Donc la personne qui même avec son cœur, il se détourne pas du mal, elle ouvre sa foi. Hadithu la haraj. Donc on dit, à chaque fois tu mets de la pommade. Ça c'est de façon générale. Mais on a dit, on s'adapte par rapport aux gens qui sont en face de nous. D'accord? Le prédicateur c'est comme ça. Un nouveau dans la religion, il ne va pas parler avec quelqu'un qui est plus ancien. La règle générale, toujours, la douceur, après la recommandation ou l'interdit, après l'explication, ad-dalil, on est d'accord. Walakin, quelquefois, il faut être un peu dur. Subhanallah, on ne comprend plus rien. Parle avec des preuves, ad-dalil. رواه الإمام الترمذي بسند صحيح. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il dit à Mu'ad, et je termine ici, il dit à Mu'ad ibn Jabal. Regardez deux hadiths pour bien comprendre et regardez la science. Regardez l'importance de la science. Dans le premier hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام, il parle longuement de namima, de l'riba, etc., de la langue, les dégâts de la langue. Ensuite, le prophète عليه الصلاة والسلام, il dit quoi? Il prend sa langue, عليه الصلاة والسلام, et il dit à Mu'ad, et c'est une recommandation générale, il dit, mets un frein à celle-ci, la langue. Il dit, mets un frein à celle-ci, retiens ta langue. D'accord? Ensuite, il dit, Mu'ad, ô messager d'Allah, sommes-nous donc punis pour de simples paroles que nous disons? Ya Rasulallah, est-ce qu'on va être puni? On va voir l'adab, le châtiment, la menace d'Allah, que parce que, pour quelques paroles, il y a quelque chose de mal ou pas? C'est une interrogation. Comment il lui a répondu le prophète, alayhi salatu wassalam? Il lui a dit que ta mère te perde, ya Mu'ad. C'est une parole dure ou pas? قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى نعم c'est une parole dure Et c'est la preuve que quelquefois, il faut agir avec un peu de paroles, des paroles dures. Mais de façon générale, c'est la douceur. Mais quelquefois, quelqu'un qui est très avancé, et quand il y a un intérêt à être dur, pour sensibiliser la personne, dire attention, na'am, c'est grave, que ta mère te perde, ya Mu'ad. Et il dit, les gens sont-ils jetés sur leur visage dans le feu de l'enfer pour autre chose que leur récolte, ou que les récoltes de leur langue? Le prophète Hassan, il dit, na'am, les gens, ils sont jetés dans le feu, pour autre chose que leur langue ou pas? Il lui rappelle que c'est grave et que beaucoup de gens sont en enfer à cause de la langue. Donc on voit dureté. Et dans la même personne, Mu'ad ibn Jabal, on est avec la même personne. Les deux mêmes personnes, le prophète alayhi salatu wassalam, regardez, il a parlé comme ça, Mu'ad, dans un autre hadith. Écoute bien, dans un hadith, ici, jugé authentique par Cheikh Al-Albani, rapporté par l'imam Ahmed et d'autres. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Ya Mu'ad, inni uhibbuk, je t'aime. Regardez, alors il dit, que ta mère te perde, regardez l'ad. Et c'est ça, an-nasiha. Quand tu aimes quelqu'un, ici, comme il a dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, wa ghayru min ahli al-ilm, c'est quoi le prix de l'mahabba, le prix de l'amour en Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est an-nasiha. C'est ça, c'est un prix, l'amour en Allah, c'est un prix, c'est le conseil. Allah dit dans le Coran, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'être humain court à sa perte, sauf ceux qui croient, illa alladhina amanu, et qui œuvrent, accomplissent des œuvres salutaires, et qui quoi? Qui s'enjoignent mutuellement, à quoi? À la vérité et à la patience, mutuellement. Ça, c'est le prix de l'mahabba. La Cheikh Al-Albani dit, il y a un prix. Tu le payes. C'est quoi le prix? C'est que tu conseilles ton frère. C'est une preuve que tu aimes ton frère en Allah Azza wa Jal. Et le frère doit accepter les conseils. Et si simplement celui qui te glorifie tout le temps, tu dis, celui-là, il est gentil, celui qui me donne les nasa'ih, alors que c'est vrai, je n'accepte pas, celui-là, il est méchant, toi, tu es un égaré. Voilà, ici, toi, tu dois prendre la vérité de n'importe quelle personne qu'elle vienne. Et sache que celui, quelquefois, qui est dur envers toi, c'est celui qui te veut vraiment le bien. Amma, celui qui t'ignore et qui te met pas en garde, c'est celui qui t'a abandonné, ya Abdallah. Ici, va et dans le delà. Donc ici, c'est un prix. Il dit, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Je t'aime. Et le Mu'ad, il dit quoi? Mon père et ma mère pour toi, au messager d'Allah, et moi aussi, je t'aime. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, je t'enjoins à ne jamais délaisser de dire après chaque prière. Il dit, je t'aime, je vais te donner un cadeau. Il dit ça à Mu'ad. Je t'aime, je vais te donner un cadeau. Ne délaisse jamais cette invocation après chaque prière. Il dit après chaque prière, dit, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Il lui a donné un cadeau parce qu'il l'aimait. Il lui a dit, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Dis ça. Dis toujours ça. C'est-à-dire, oh Allah, je te demande de m'aider à t'invoquer. Ah, on a parlé de shukr. À être reconnaissant vers toi et à t'adorer convenablement. Donc on voit que le prophète, il a été dur. Et il a été doux. Et de façon générale, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était quoi? Al-lin. Al-rifq. La bienveillance. Et la douceur. Et tout ceci fait partie de fiqh al-da'wa. Ça fait partie de fiqh al-da'wa. Et on va continuer avec les règles à respecter pour pouvoir transmettre comme il se doit la religion de la meilleure des façons à son épouse, à soi-même, aux frères, aux sœurs et à ses enfants. Qala jalla wa ala, qu'u anfusakum wa ahlikum nara. Préservez vos personnes et vos familles du feu, mais pour se préserver sa propre personne et sa famille du feu, il faut connaître les outils adéquats pour pouvoir le faire. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.